j'oublierai pas. Je dirai jamais que je connais pas. Si je te croise dans ma rue, je dirai pas que je te reconnais pas. On sait d'où on vient, où on va et pourquoi on le fait. Et c'est pour ça que je peux dire j'oublierai pas. Je dirai jamais que je connais pas. Jamais. Si je te croise dans ma rue, je dirai pas que je te reconnais pas. On sait d'où on vient, où on va et pourquoi on le fait. Et c'est pour ça que je peux dire j'oublierai pas, Barbès, là où j'ai grandi. Malgré la délinquance, les clandestins, les pauvres qui mendient. Et ces souvenirs ne s'effaceront pas de nos mémoires. On est mal perçu et même suivi par un chat noir. L'image. J'oublierai pas ce qui la déforme. Ces conditions me fatiguent, voilà pourquoi je suis pas en pleine forme. Le temps passe, ma haine stasse. Et dans cet océan qui est pas chez moi, j'ai souvent bu la tasse, pas vu l'impasse. Je m'étais approché de près. Cette ville, je compte pas l'oublier. Vu que je la connaîtrai pour très. Je crée mon propre secours, mon ultime parachute. Parce que c'est chacun pour sa gueule et personne pour assurer ta chute. J'oublierai pas, je dirai jamais que je connais pas. Si je te croise dans ma rue, je dirai pas que je te reconnais pas. On sait d'où on vient, où on va et pourquoi on le fait. Et c'est pour ça que je peux dire j'oublierai pas le décor, ni le contexte dans lequel je suis né. Quoi qu'il arrive, je perdrai ni la face, ni la fierté. Qu'on se le dise et qu'on se comprenne. C'est nos familles qu'ils divisent, nos terrains qu'ils colonisent. Et tous nos projets qu'ils détruisent. On vise une cible qui ne veulent pas nous laisser toucher. Et ne nous laisse comme choix que les chemins qui sont bouchés. J'oublierai pas d'où je viens, ni comment j'ai été accueilli. J'oublierai pas ce que j'aime, et encore moins ceux qui m'ont trahi. J'oublierai pas, pire, je peux dire que je te pardonnerai pas. Pour ce que tu disais à l'époque où tu pensais que ça ne marcherait pas. Ça ne marcherait pas. Secret connexion. Connexion. Haroun, Mourad. J'oublierai pas le peu dont on se contente. Qu'il a fallu du temps pour accepter de faire partie de la page suivante. Qu'avant de réussir on se plante, que l'argent facile tente. Quand l'amertume de la défaite devient chose courante. Que je suis toujours ébahi devant une fille souriante. Ouais. Même si à Paris, elles sont plutôt de nature méfiante. Que la vie est ainsi faite, des choses anodines ou délirantes. Ça fume des pets, whisky, jean, juste quoi prendre l'ascendant. La musique, l'exutoire d'une population souffrante. Le moyen des jeunes qui oublient le fun et pour les leurs argumentent. J'oublierai pas que dans cette histoire, c'est ma mère la plus patiente. Dans ses yeux, l'espoir et la réussite correspondante. J'oublierai pas, je dirai jamais que je connais pas. J'dirai jamais que je connais pas. Jamais que je connais. J'oublierai pas. Je dirai jamais que je connais pas. Je dirai jamais que je connais pas. J'oublierai pas. Je dirai jamais que je connais pas. Si je te croise dans ma rue, je dirai pas que je te reconnais pas. On sait d'où on vient, où on va et pourquoi on le fait. Et c'est pour ça que je peux dire. J'oublie rien de mon parcours et des barrières si dur à sauter. C'est un tiers de ma vie à ne rien faire et les deux tiers essayer de monter. J'oublie pas la Romée. Tôt le matin dans le premier tromé, j'oublie pas, c'est promis, c'est impossible pour moi à gommer. On sait d'où on vient et je dirai jamais que je ne te connais pas. On sait où on va et y'a rien de mieux pour ne pas se paumer. J'oublierai pas, ça c'est sûr, la vie dure et ses blessures. Les coups durs et les coups de vis quand les cicatrices deviennent des fissures. Et c'est vrai que le temps passe vite, je regarde ma montre, le temps s'écouler. Les familles expulsées et les bâtiments s'écrouler. J'oublierai rien de mon passé car je n'ai pas la mémoire courte. J'oublierai pas, aucun doute, ceux que j'ai croisés sur ma route. J'oublierai pas, et je pourrais pas si j'essayais. C'est dur de changer d'air quand t'as qu'un disque et qu'il est rayé. T'as qu'un risque à prendre, et y'en a 10 qui attendent. Si y'en a 6 qui vendent, il en reste 4 avec des langues qui pendent. J'oublierai pas que j'ai fait partie de la bande. Même si j'ai fait d'autres choix pour pas être mis à l'amende. J'ai grandi vite, demande si les points de vie descendent. Ici y'a rien que t'entendre qui préserve, il faut se défendre. Le rêve fait la grève, achève le peu d'espoir qu'on avait. Si tu savais, toi aussi tu t'en rappellerais, t'oublierais pas. Des noms qui manquent, tu m'en épellerais. Nos histoires nulles, avec le recul on en rigolerait. On aurait partagé nos peines en deux. Mais t'étais jamais là, comme les droits de l'homme quand on a besoin d'eux. Alors j'ai appris à endurer la vie sans toi. Mais je me rappelle très bien de ta tête, t'inquiète. J'oublierai pas. J'oublierai pas. J'oublierai pas. J'oublierai pas.